panneaux indiquent des conditions particulières de circulation. En fait, cette rue est à sens unique pour les automobilistes et autres véhicules motorisés, mais elle est à double sens de circulation pour les cyclistes. Ils peuvent en effet y circuler à contresens, c'est clairement inscrit sur le panneau, mais ils peuvent aussi circuler dans ce sens. Réponse A et C.